Amis humains, bonjour. Voici le numéro 2 d'une série d'émissions sur l'histoire de la robotique, telle que nous souhaitons l'aborder, se décline selon deux axes, son aspect philosophique, traité par les indices de la mythologie et de la littérature, et ses différents aspects technologiques, décrits depuis les automates jusqu'au domaine de la vie artificielle puis à ce que nous appellerons la biologie artificielle. N'est-il pas étonnant que la science avec son énorme flot quotidien de publications tienne aussi peu de place dans les médias, en particulier les journaux télévisés? Nous souhaitons également promouvoir la créativité en science. La robotique a un aspect ludique et artistique qui peut se révéler le moteur d'un changement d'attitude, tant au niveau de la création qu'à celui de l'acceptation par le public de progrès qui nous mèneront très progressivement mais sûrement en direction d'une robotique humaniste, au service de l'humanité. Suite numéro 5. Histoire de la robotique, la cybernautique. En 1936, Alan Turing définissait une machine théorique, structurellement très simple, munie d'un jeu d'instructions vraiment élémentaire et capable cependant de calculer toute fonction sur les entiers, absolument toute fonction, comme une suite d'instructions. Il définissait ainsi une nouvelle science. La science du calculable. L'intérêt de la machine universelle de Turing est qu'elle représente la manipulation théorique d'informations codifiées indépendamment d'un support physique particulier. Il devient, par conséquent, possible d'envisager une similitude de comportement d'un système formel à travers différents supports matériels. C'est cette idée qui est à l'origine des nombreuses simulations informatiques. Lorsque Norbert Wiener exposa son concept de cybernétique en 1948, l'ensemble des spécialistes des calculateurs automatiques pensèrent que c'était réellement nouveau. Mais la discussion sur la validité des machines de Wiener s'inscrit dans la suite des recherches kabbalistiques sur les rapports entre une chose à animer et le langage, c'est-à-dire le mythe du golem. Wiener aborde cette question dans God and Golem, 1964, fin de cette cinquième partie. À bientôt, grosse bise numérique.